Chapitre 154. L'interdiction de divulguer les défauts concernant le corps du mort. 928. D'après Abu Rafi' Aslam, radiyallahu anhu, l'esclave affranchi du prophète, alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque lave un mort et garde secret ce qu'il y voit, se verra pardonner 40 fois par Allah. » Al-Hakim, qui le considère authentique selon les critères de musulmans.